yeux dans les yeux, voulant briser la glace. On se scrute, on s'observe. Je voudrais me confier. Je reste sur ma réserve. J'hésite encore à parler. Tout est à l'intérieur, coincé au niveau du plexus. Est-ce par peur ou bien par pudeur? Mais je ne peux en dire plus. Vous m'observez sans rien dire, écoutant mes silences. Bizarre, racontez-moi.